Ghosties, you son of. C'est pas la bonne vitesse ? pas la vitesse du danger. Ah, t'es pas loin là. Tout ce que j'ai écouté tout à l'heure. Ouais, tu parles au synthé. Hein. Ça, c'est horrible, ce truc. Après la deuxième partie, oui. Ah, vas-y, vas-y. Yeah. On t'entend pas, hein, la guitare, toi. Mesures.